Exercice 13, page 145. J'ai organisé un petit truc de bienvenue chez toi. La colère gagne Karine avec la violence d'une décharge électrique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous croyez où? Qu'est-ce qui vous donne le droit de venir comme ça ?